On se fera pas d'illusions, là. Hein? On est dimanche soir, 8h. Le but, c'est pas de... C'est juste de crise de faire des tonnes un peu fait rire. Pogné dans une spirale, une vraie spirale de marne. T'avançais juste pour mieux t'enfoncer. Commencer dans ta spirale, dans ta spirale de marne. T'avançais juste pour mieux t'enfoncer. C'est pas parce qu'on veut pas t'aider. C'est le fun de te regarder. Tu nous as tellement tout fait chier que c'est le fun de te regarder dans ta spirale de marde. C'est le fun de te voir t'enfoncer dans ta spirale de marde. C'est le fun de te voir t'enfoncer. T'es pogné dans une spirale, une vraie spirale de marde. Puis t'avançais juste pour mieux t'enfoncer. Commencer dans ta spirale, dans ta spirale de marde. On se demandait ça l'autre fois, c'est-tu le fun? Tu nous as tellement tout fait chier que c'est le fun de te regarder. C'est pas parce qu'on veut pas t'aider, mais c'est le fun de te regarder. Dans ta spirale de marde, c'est le fun de te voir t'enfoncer. Dans ta spirale de marde, c'est le fun de te voir t'enfoncer. Dans ta spirale de marde, c'est le fun de te voir t'enfoncer. Dans ta spirale de marne, c'est le fun de te voir t'enfoncer. Commencer dans ta spirale de marne. Quelle fin de marche. Bon, ben voilà, on est quand même au début. Pardonnez-moi. Regardez qu'il y a un autre tune.